pour terminer ce 5-7, Frédéric Sigrist et sa chronique Blockbuster. Et je suis surprise, Frédéric, vous, l'amateur de super-héros et de gros dragons, ce matin, vous allez nous parler de princesse Disney qui pousse la chansonnette. Oui, Mathilde, car je suis papa et tous les parents savent que les Disney, c'est un passage obligé. Enfin, quand je dis tous les parents, je veux dire tous les parents médiocres. Ah, parce que je sais qu'il y a parmi les auditeurs de France Inter des parents merveilleux, ceinture noire de Montessori, qui n'offrent à leur progéniture que des jouets éducatifs non genrés en bois véritable, des ballons de foot en chambre, et qui n'autorisent que 15 minutes d'écran par an pour regarder les obsèques de Pierre Rabhi sur la chaîne YouTube petitcolibri.com. Non, moi ce matin, je m'adresse aux gens comme moi, les mauvais parents. Bon bah eux, ils savent que quand tu vas voir un Disney, tu vas voir plus qu'un dessin animé. Tu choisis la bande originale de ta vie pour les 12 prochains mois, des fois plus. Ma fille, elle a 8 ans, sa vie n'est rien d'autre qu'une immense comédie musicale. Elle ouvre les yeux, elle chante. Elle mange, elle chante. Elle joue, elle chante. Ma fille, c'est 8 FM sans les pubs. Son frère l'a rebaptisé Spotify. La chanson de la Reine des Neiges. Libérée, ah ouais. Délivrée. 2 ans que ça a duré. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Elsa, elle m'a tellement cassé les pieds avec sa neige, j'en venais à me dire que le réchauffement climatique, c'était une bonne chose. Ok, on perd les ours polaires, mais l'autre Barbie Sorbet, là, elle va peut-être fermer sa bouche. Barbie Sorbet. Heureusement, ensuite, il y a eu Vaiana, avec des chansons composées par Lin-Manuel Miranda. Et Lin-Manuel Miranda, c'est ça. We don't talk about Bruno, tiré du dernier Disney, Encanto. Alors Encanto, c'est un nouveau genre de Disney où le méchant, c'est pas une sorcière ou un vizir, c'est la famille toxique. Des gens censés t'aimer mais qui te font toujours te sentir plus bactère. Encanto, c'est la version conte de fées d'un repas de Noël en famille quand t'as 40 ans, pas d'enfant et que t'es au chômage. Bruno, c'est l'oncle qui vient plus aux réunions de famille pour une vieille histoire. Attention, spoiler. Quand dans le dessin animé on découvre qu'il vit reclus caché dans les murs de la maison familiale et qu'il attend littéralement de sortir du placard, de faire son coming out, on comprend la double lecture et le succès de cette chanson qui est numéro 1 du top 100 des chansons américaines. Pour Disney, c'est seulement la deuxième fois qu'une chanson de film entre dans son hit parade, 29 ans après la chanson d'Aladin, ce rêve bleu. Lin-Manuel Miranda, c'est le grand nom actuel de la comédie musicale à Broadway. C'est à lui que l'on doit Hamilton, la comédie musicale à succès sur l'histoire des États-Unis. Tous les pères fondateurs de l'Amérique sont joués par des noirs afro-américains qui font du hip-hop et du R&B, c'est génial. C'est plus woke à ce niveau-là, c'est de l'insomnie. Imaginez la réaction d'Éric Zemmour si Booba écrivait une comédie musicale rap sur Napoléon ou De Gaulle. Lin-Manuel Miranda qui est en très bonne place pour l'Oscar du meilleur film pour Tick Tick Boom, le film formidable qu'il a réalisé et pour lequel Andrew Garfield, son interprète, a déjà reçu le Golden Globe du meilleur acteur. Bref, Lin-Manuel Miranda, ses chansons, elles restent dans la tête, mais moi, vu le talent du gars, de plus en plus, je l'ai dans la peau. Frédéric Sigrist, merci beaucoup et je signale que vous jouez votre spectacle demain près de Saint-Étienne dans le cadre du Festi-Ange, c'est une œuvre caritative.